Il n'a plus le pape parce que dehors il fait froid et qu'il y a des gens qui sont dehors. Thank you.